Wishiti, mon appartement. Après une dure journée de travail ou enfin qu'il n'y ait rien de grave à venir, il est toujours bon de s'asseoir sur son canapé et de se vider la tête en regardant la télé. Bien loin des rats, de la guerre, du plan de Mila, il y avait Wish TV. Je me suis levé. Quelqu'un venait me voir à 7h. Vous avez l'habitude d'ouvrir la porte directement après avoir sonné. Alors qui cela pouvait-il bien être ? Bonsoir, je peux entrer ? Oui, mais... Je voulais... Enfin, j'avais juste envie de te voir. Quelque chose ? Oui, je veux bien. Je t'en prie, assieds-toi. Sur mon canapé de merde. Mila sourit, gênée. Je n'aurais peut-être pas dû lui rappeler ses réflexions, mais c'était plus fort que moi. Elle s'est assise. J'ai apporté de bières de roche et je me suis mise à côté d'elle. Si proche d'elle. C'est long. L'attente ? Ouais, c'est long. Les rats, on ne savait pas quand ils allaient attaquer. On ne savait pas quand ce sera la dernière fois pour nous. Je voulais te voir une dernière fois. Eh ben c'est fait. Non, pas là, pas... Enfin, pas comme ça. La nuit des masques, je t'avais déjà proposé d'y venir. Oui, mais on peut pas rentrer, Mila, c'est au palais. Je suis la fille du grand dirigeant, oui. Elle m'a tendu deux enveloppes. Deux invitations que j'ai... Enfin bon, peu importe comment je les ai eues. Pour toi et pour Bouze, demain soir. Mmh. Je vais y aller. Oui. Quoi ? Non, rien. J'ai raccompagné Mila jusqu'à la porte. En fait, tu m'as fait ouvrir une bière de roche pour rien. C'était pas pour rien, c'était pour moi. Wish City, le palais. Alors comme ça, on sort le soir ? Ah ! Rosencraft, ne refaites plus jamais ça ! Vous m'avez foutu les jetons ! Que regardez-vous comme ça nerveusement autour de vous ? Il n'y a personne dans ce couloir du palais ? Personne pour nous déranger ? Laissez-moi passer, Rosencraft. Je veux regagner ma chambre. Mais peut-être que je peux vous accompagner ? Non, surtout pas. Oh, Quick vous aurait contenté ? Oufias. Vous parlez à la fille du grand dirigeant Rosencraft. Non, je parle à la noble qui se tape un creuseur, le plus bas dans l'échelle sociale d'Aifwish. D'une, je ne me tape pas de creuseur, comme vous dites. Et de deux, je ne crois pas que vous soyez mieux que qui que ce soit. Je suis un héros. Vous n'avez pas vaincu les rats. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, dans la galerie Est, mais tout ce que je sais, c'est que le seul à avoir pu tenir tête aux rats, c'est Squeak. Aïe! Toujours Squeak! Toujours! Qui il est pour plaire à la fille du grand dirigeant, hein? Vous me paierez ça, Rosencraft. Quand mon père saura que... Votre père sera content de savoir que vous faites les murs pour rejoindre un creuseur. On ne sait plus quoi répondre, hein? Laissez-moi passer, Rosencraft, ou je vous latte les couilles! J'ai beaucoup appris en regardant les matchs de Squeak Ball. Oh, mais passez, très cher, passez. Vous repasserez bien par là. Votre heure de gloire est bientôt terminée, Rosencraft. Non! C'est celle des Bifwish qui va bientôt se casser la gueule. Vous le savez tout comme moi. Mais si seulement vous pouviez enfin... Enlever votre main de ma joue. Je vous protégerai, Mila. J'ai le moyen de vous protéger. Vous êtes complètement barré. C'est ça! Casse-toi, Poufias! Mais tu seras à moi! J'y mettrai le prix qu'il faut, mais toute fille de dirigeant que tu sois, je n'aurai rien qu'à moi! Et tu me feras une portée, oui! Une portée comme les rats! Une portée! Oh putain, j'ai l'air con quand je ris, moi! Bah, elle est fou.